copains, j'ai une histoire à vous raconter. Non. Si, tout à fait. Figurez-vous que, once upon a time, il était une fois... José avait toujours rêvé de devenir orthopédiste. Oh. De soigner les pieds de la terre et surtout ceux des sportifs. Mais alors qu'il s'imaginait déjà dans l'autant des pieds d'une jolie señora, il fut nommé assistant au FC Barcelona. Déçu et blasé par sa petite vie professionnelle, José décida de tenter l'expérience spirituelle. Au cours d'un détour dans une chapelle, sur son portavirus de Dieu l'appelle, et prit alors le chemin pour Saint-Jacques-de-Compostelle. Yolole, escucha la historia. Yolole, de José María. Arriba. Yolole, yolole, yolole, la. Yolole. Marcha des jours et des jours sous un terrible soleil, sans jamais rencontrer personne que des oiseaux dans le ciel. Alors que notre tantôt désespéré, qu'il était en passe de tout laisser tomber, il arriva en vue du fameux chemin des Français. Dans un premier temps, il crut d'abord à une apparition. D'où pouvaient donc bien sortir tous ces jolis petits potons. Il s'approcha et se passa trois fois et réalisa donc qu'il ne rêvait pas. Elles étaient trois, s'appelaient Mina, Fiona et Olga. Yolole, la que bella muchachas. Yolole, gracias Santa María. Yolole, yolole, yolole, la. Yolole, yolole, yolole. Il passa trois jours à soigner ces trois charmantes patientes, s'attardant sur chacun des pieds comme on fait pour de belles plantes. Et chaque soir il disait une prière qu'il adressait par email à Dieu le Père, remerciant d'avoir sauvé les plus beaux pieds de la terre. Se sauver les plus beaux pieds de la terre, il aurait dû s'inquiéter un peu plus de sa propre paix. Car ces deux panards étaient amochés, évidemment ils se sont infectés, gangrenés, il a fallu tous les deux lui amputer. Yololé, yololé, yololé, yololé, maquille. Il y a de sa mère dessus là. Yolole, ma que triste historia. Yolole, pobre Rosa Maria. Yolole, yolole, yolole. Yolole, yolole, yolole, la. Yolole. Recueilli dans un monastère de Compostelle, où il soigna sa vie durant tous les orteils du Carmel. Certains diront que Dieu a abusé, d'autres que José l'avait mérité. Quoi qu'il en soit, l'année prochaine il est canonisé. ALLM Prod et Nima Studio vous ont présenté Oli les Mômes. l'album de Oli les Mômes avec Oli les Mômes. Le grand gana de la console, les tuyauteurs, Vibraman, BLSK, Côte-Côte, Coin-Coin, Caro, la conquérante de la lumière, la Satriani de la casserole, Bébé Tom, Xavier, notre plus grand fan, et moi. Fin.